Mis dans l'église de Scientologie, elle traversait une période difficile sur le plan sentimental et familial. Et c'est donc très classiquement qu'elle a mis le doigt dans un engrenage dont elle a eu le plus grand mal ensuite à sortir. Son témoignage au micro de Bilal Tarabet. C'est comme s'il m'avait dit « viens boire un verre avec des potes à moi ». Quoi. Voilà, au départ c'est comme ça que ça part. C'est très avenant, c'est du genre « tout va aller ». On est tous très intelligents quand on est en Scientologie, voilà. On est tous plus forts que tout le monde, donc on peut tout surpasser, tout affronter, voilà. Donc moi je me suis dit, c'est peut-être pas mal, ça va un peu me remettre les pieds sur terre. Et voilà, moi je l'ai pris comme ça, au départ. J'ai pris tout de suite des cours, parce que j'étais public, hein, parce qu'il y a deux choses dans mon histoire. C'est que j'étais public comme certains grands acteurs, que je ne nommerai pas. Où on prend des cours, où on paye. Mais après, moi, le truc, c'est que j'ai signé pour être membre, voilà, pour travailler pour la secte. C'est-à-dire, j'étais à Paris dans l'antenne qui était à l'époque rue de la Tour d'Auvergne. Et puis, il y a des gens de Copenhague qui sont arrivés, ce qu'on appelle des missionnaires et des agents d'éthique, pour voir comment se passent les choses dans toutes les antennes. Et puis, je sais pas, il y en a une conférence, ils ont parlé et tout, et puis ils ont demandé s'il y avait des gens qui voulaient partir là-bas en tant que membre. Et je sais pas, moi je me suis proposé, voilà, quelqu'un qui rentre dans les ordres, quoi. Bah, on se lève à 6h du matin, et puis toute la semaine, c'est les deux ou trois, on fait le petit déjeuner pour les autres, parce qu'on n'est pas absolument pas servi. Alors on a un instructeur qui arrive, il nous dit qu'on doit faire donc de telle heure à telle heure des travaux manuels, donc par exemple nettoyer des locaux qu'ils avaient là, comme on explique, et on court dans toute la ville. On fait tout en courant, tout le temps. On n'a qu'une seule après-midi dans la semaine pour se reposer, c'est pour laver son linge, ranger ses affaires. Mais ils ont calculé qu'on a juste le temps, on peut pas aller se promener en ville par exemple. On dort, on se lève, on dort, voilà, et on fait les choses comme ça, avec des ordres très durs, très secs. C'est tout le temps, on peut nous dire 10 fois dans la journée qu'on est complètement taré, nul et idiot, pas d'état d'âme. Ça a été quoi le déclic qui vous a permis de sortir de là? Je n'arrive pas à le dire, tout le monde me le demande et je... C'est pas quelqu'un, parce qu'a priori j'ai pas gardé d'amis là-bas, je m'en suis pas fait, de toute façon on s'en fait pas. Parce que tout ce qui est affectif est interdit. C'est moi qui ai dû, avec des dernières ressources de conscience pas trop débiles, voilà, ça doit être ça, j'ai du mal à expliquer. Il aurait fallu que j'écrive là-bas tout de suite les choses. Et en fait on les écrit pas. C'est peut-être ce que j'ai vu autour de moi, j'ai vu des gens plutôt malheureux en fait. Il y a plein de gens qui au bout d'un moment n'osent plus rien dire. Mais qu'ils aient semblant d'être heureux parce que, les gens que je voyais, pas tous ceux de la secte, hein, pas des hauts gradés qui, eux, on voit jamais, on voit très peu, mais des gens comme moi, il y en avait qui supportaient très mal. Moi, en fait, j'étais pas malheureuse. J'étais fatiguée, mais j'étais pas malheureuse. Mais j'ai vu des yeux, des gens qui étaient pas bien, quoi. Ils causaient pas, donc ils étaient moins armés que moi, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient malheureux parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir des résultats. C'est normal, puisqu'ils faisaient pas ça avec une énergie dingue, ce qui est des mauvais élèves, entre guillemets. Donc tout le temps malheureux, mais ne pouvant confier à personne, parce que sinon c'est une galère pas possible. On remanie le mental une autre fois, donc ils avaient conscience de ça, donc très malheureux en train de subir. C'est peut-être ça, moi je ne subissais pas, je n'ai jamais subi. Voilà, de cette histoire malheureusement fréquente a été tirée une BD intitulée Dans la secte. Vous l'avez lu, vous l'avez aimé, Corinne Audouin? Oui, au-delà d'une BD tirée d'une histoire vraie, c'est pas très fréquent ça. Oh, si. Ça se fait pas mal, c'est un petit peu ce qu'on appelle la tradition du roman graphique. Hein. C'est Will Eisner, il y a longtemps maintenant, qui avait commencé, entre autres, à raconter des histoires vraies en bande dessinée. Alors au-delà du témoignage qui est vraiment impressionnant de Marion, dont on vient d'entendre un extrait, c'est vraiment ce témoignage qui est la trame de la bande dessinée. Dans la secte, ce qui vient de paraître donc aux éditions de la boîte à bulles, c'est d'abord une bande dessinée tout à fait réussie, parce qu'il suffit pas d'avoir une bonne histoire à raconter et vous avez bon sentiment pour faire un bon livre, une bonne BD. Il y a le choix d'une grande simplicité dans la narration. Le scénario est signé Pierre Henry, qu'il a écrit donc d'après le récit de Marion, qu'il a recueilli. Et le dessin est en bichromie, c'est-à-dire c'est du noir et blanc plus une couleur, là en l'occurrence le bleu. Dessin un peu naïf. Le dessin de Louis Allouin. Alors il a fait beaucoup de bandes dessinées pour enfants et c'est vrai que ça se ressent dans ce style. C'est un style très clair, très accessible parce qu'il a envie que les ados, les jeunes aient aussi envie de lire cette histoire. C'est un petit format, hein, la moitié à peu près d'une BD classique, la couverture souple. Et ça commence par une page sans dialogue où on voit une jeune fille qui s'enfuit dans la nuit. C'est l'évasion de Marion de la secte. Ensuite, l'histoire va revenir en arrière dans le trajet qui la ramène vers Paris. Elle va se souvenir de comment elle est entrée dans cet engrenage infernal. Alors ça se passe dans les années 80, une époque où la scientologie n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de méfiance de la part de cette jeune femme. C'est vraiment les récits d'un engrenage infernal, assez banal. Et ce qui impressionne, c'est vraiment comment la secte réussit à annihiler tout esprit critique chez ses adeptes. On leur extorque de l'argent pour payer des séances de purification. On leur fait faire des travaux manuels jusqu'à l'épuisement physique. On les encourage à la délation. Ensuite, il y a le harcèlement une fois qu'elle est sortie de la secte. C'est vraiment assez effrayant. Et ce qui est très fort dans cette bande dessinée, c'est que la simplicité, encore une fois, du dessin, le côté presque naïf, contraste avec la noirceur du fond. Et tout ça fait vraiment une bande dessinée tout à fait frappante, qui tombe pas dans le sensationnalisme, mais très juste et très émouvante. Vous en pensez quoi de cette expérience, Jacques Tardy ? Vous avez jeté un œil là sur la BD tout à l'heure ? Oui, raconter une histoire vécue, oui, c'est toujours intéressant. Bon, le problème, effectivement, vous disiez que le dessin était un petit peu naïf. Le problème, c'est la documentation, c'est-à-dire vraiment pénétrer l'atmosphère, les lieux réels, etc. Bon, c'est très très compliqué à faire. Alors Jacques Tardy, faut-il encore vous présenter le père d'Adèle Blanc-Sec, publie Le Petit Bleu de la Côte Ouest, adaptation du livre de Jean-Patrick Manchette, et ce n'est pas une première, ça pour vous en revanche, hein, vous aimez les adaptations, Léo Mallet, Jean Vautrin, Daniel Pénac. Pourquoi ces choix, ce sont des ambiances qui vous plaisent simplement le fait que comme ça vous savez où vous allez, parce que j'ai... Oui. Quand je travaille seul, je pars un petit peu à l'aventure, je sais pas exactement où je vais, j'ai un mal fou à retomber sur mes pieds. Bon, là, dans la mesure où j'adapte des bouquins qui me plaisent, que j'ai choisis, je connais la fin de l'histoire, je connais l'assassin, j'ai la structure du récit et tout va bien. Donc je peux, à partir de ce moment-là, me consacrer entièrement au dessin, à la réécriture des dialogues, bon, à la mise en scène. Si vous aimez les ambiances film noir d'après-guerre. Oui, bien sûr, oui, mais c'est pas le cas du Petit Bleu, hein. Ça se passe dans les années 76. Ouais. Allez, Polar, vous aviez aimé le film d'ailleurs ? Parce qu'il y avait eu un film. Moi, je l'ai pas vu. Un film avec Alain Delon. Oui, on n'a pas dit que du bien, mais je crois que je l'ai pas vu ce film. Corinne Audouin. Moi, je crois que ce qui vous plaît chez Manchette, enfin moi, ce qui m'a frappé, c'est le style Manchette, parce que c'est extraordinaire, c'est extrêmement clinique, extrêmement précis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de descriptions. Juste un exemple, l'album commence par Georges Gerfaut, qui est donc le héros. On en reviendra là-dessus, le héros du livre, tourne sur le périphérique, il est à 145 km/h, il est 2h du matin, il a bu un bourbon et pris quelques barbituriques, et il y a ces quelques lignes en haut d'une case. Georges Gerfaut est un homme de moins de 40 ans, sa voiture est une Mercedes gris acier, le cuir des sièges est acajou, et de même l'ensemble des décorations intérieures de l'automobile. L'intérieur de Georges Gerfaut est sombre et confus, on y distingue vaguement des idées de gauche. Voilà un exemple du style Manchette, ce mélange de sécheresse et d'humour assez noir. Est-ce que c'est facile finalement, parce qu'il décrit beaucoup de choses, donc on dessine ce qu'il décrit, on dessine ce qu'il décrit pas, comment est-ce qu'on fait ? Non, j'ai tenu à garder un maximum du texte de Manchette, mais qui, dans la mesure où il ne redoublait pas l'image, sinon j'avais aucune raison de le garder, mais je trouvais qu'effectivement, ces indications brèves comme ça, extrêmement sèches, donnaient le ton, rythmaient le récit. Alors effectivement, ça nous permet de savoir un petit peu qui est ce Gerfaut, ce qu'il a en tête, cette espèce de cadre comme ça, qui est mal dans sa peau, qui est père de famille, il a deux petites filles, c'est la veille des départs en vacances, il tourne sur le périphérique. On se rendra compte qu'en fait toute l'histoire est un flashback, ça tourne en rond comme la vie de Gerfaut, qui va être confronté à la violence. Dans un premier temps, il sait pas pourquoi, il essaie de, quand même ça le contrarie. Il y a deux types qui essaient de le noyer au milieu de la plage. Le premier jour des vacances, donc il est pas très content, il voudrait savoir pourquoi on lui en veut à ce point-là. Il va être confronté de plus en plus à une violence de plus en plus extrême. Et malgré tout, les choses, il va continuer à rater sa vie, à ne pas profiter finalement de ces situations qui lui permettraient de foutre le camp. Il a changé de nom, il pourrait changer de vie, etc. Et il rentre au bercail. Finalement, ça donne bien l'ambiance de ce... De... de sa bande dessinée. C'est un Manchette, c'est du roman noir. On peut pas dire que c'est du polar. On voit pas l'ombre d'un policier dans l'histoire. Mais c'est vrai que ce qui donne la saveur, c'est vraiment cet arrière-plan social. Parce que effectivement, Gerfaut, il est déprimé, il est mal dans son boulot. C'est un petit cadre. On l'imagine un peu brimé par ses chefs. À l'époque, on parlait énormément. C'est le malaise des cadres. On en parlait énormément. Et de la même façon, bon, il y a une séquence à la campagne. Hein. Hier, j'entendais que pas mal de cadres et autres personnes ayant les moyens chercheraient à quitter Paris, à aller vivre à la campagne. Bon, on en parlait énormément à cette époque-là. C'était l'année de la sortie de films comme Délivrance, par exemple, qui ne montrait pas le retour à la nature de façon très très joyeuse et positive. Bon, Gerfaut va se trouver là. Et il va finalement, par hasard, il est jeté dans un train et il se retrouve dans une forêt qu'il ne situe pas. Et finalement, ses références sont complètement enfantines. Il se souvient d'un film. Il se souvient d'un western qu'il a vu au cinéma olympique dans le 14e. Moi, j'habitais dans le quartier, je fréquentais ce cinéma. Et je me souviens de ce western que j'ai vu à cette époque-là. Et il se réfère aussi certainement à des choses qu'il a lues dans des romans d'aventure, c'est-à-dire quand on n'a pas, on n'a rien, qu'on a peur de, que vraiment on va crever de faim et tout, on va que faire, chercher du miel, des abeilles pour manger le miel, etc. Ça, c'est vraiment des trucs de gamin et ça ne marche pas. De toute façon, il n'y a pas d'abeilles dans le secteur où il se trouve. Donc tout est finalement voué un petit peu à l'échec, comme sa vie. Comme sa vie qui est basée sur des souvenirs de western, des souvenirs de lecture, sur un environnement qui lui plaît pas tellement, que ce soit son environnement professionnel ou familial. Et alors, chez Manchette, l'intérêt, c'est cette espèce de contraste qu'il y a en permanence entre une espèce de violence clinique, comme vous disiez, c'est-à-dire que lorsqu'il parle d'une arme, il en donne toutes les caractéristiques, et c'est encore beaucoup plus effroyable que de montrer les dégâts réellement commis. Et il y a donc cette espèce de malaise dans la vie du personnage, et cette espèce qu'on ressent dans le quotidien, et notamment l'arrivée dans la maison de location. Ça, ce sont des choses qu'on a tous vécues. La maison est moche, on n'est pas content d'être là, voilà, bon. Et immédiatement après suit la scène de tentative de meurtre sur la plage. Donc cette espèce de balancement entre le banal et la violence. Enfin, c'est-à-dire, au niveau de la violence, vous êtes comme faites preuve quand même de beaucoup de sobriété. Hein. D'ailleurs, vous le dites, ni violence, ni érotisme. Vous n'aimez pas trop la façon dont la BD évolue. Non, c'est pas tellement ça. C'est si c'est nécessaire, si ça se justifie. Là, il y a des images assez violentes. Bon, je les ai montrées. Oui, il y a des têtes qui éclatent. Oui, parce que ça va dans le sens de bon, à un moment, Gerfaut, de retour à Paris, est écœuré par tout ce qui s'est passé et pense aux dégâts que font les balles, les projectiles et tout. Mais après coup, longtemps après, ça lui revient comme ça. Donc, il est nécessaire que l'image remplisse sa fonction et que je montre ça aussi, mais en même temps, je ne vais pas le faire gratuitement. Le noir et blanc aussi apporte une distance, nécessairement, non ? Peut-être, je ne sais pas. Je ne veux pas le faire gratuitement, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire pour conclure, enfin si on dit pour conclure, que Tardy reste à l'écart des modes, ça vous convient ? Oui, j'espère, oui, il va rester le plus longtemps possible. Jacques Tardy, Le Petit Bleu de la Côte Ouest, aux éditions des Humanoïdes Associés. Le 13-14, Yves Decamp. Alors après la BD, la biographie, avec non pas Monsieur Royal, mais Madame Royal. La première biographie consacrée à Ségolène, puisque les Français l'appellent par son...